love the way you touch me, sad. Yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah. MJ. Mache la direction. Mwen te get an wè son benediksyon. Son pa fè an gen ou get an pran atensyon. Ou se soleil ka brye la fè noa. Debi ma fè an mwen senti mgen la jwa. Mwen chwazi ma gou gen an pil jwa. Mwen lò vè pe kom tan kou yon chemiz. Tan bri pa la gen baby baby please. Ou fè mwen vivwa jile ou di mral. Ki rale m'tan kou metal. Ou jom de kontrole pou mwen sa pa normal. Ou pote yon chalet ki fem ble bon ti gout l'eau. Ou yeah. Chak jou ki pase mwen anvi kembe yon ambram. Tout sa kou ou se pam, tout sa kou mwen se pa. Ou imap toujou mwen swen kè ou tan kou yon vi plo. Ralenti. Mami, mami, m'anvi pase lam nan soukou. M'anvi tou de toa bel parol nan zorey yo. Sa wa son jem le ou anvi fè l'amou. Ki soubou aswe a mwen bal fò piye tout problèm ou tande ki jan kè nou a bat san kou tambou. Chéri ou fè mwen vi danse san mizik epi mtan de fwa pou mwen se pi bel melodi. Mèm ki yo ta vle fè bagay mistik yo metre le tout lwa se ou map toujou chwazi. Papil, tan kou yon marionet ki marie lan twet ou ak fil. Depi jem tombe nan joti ke mwen komanse fe bam bam. Pa gen moun ki ka fe so ka fe asou ka ban ban. Pa bezwen prese an nou fon ti ralenti. Nan pase sou tout vites si genye sa son garanti. Eske ou pare pou mwen fe an voyaje. Ou prele si kon ki es pou ye. Chéri vin pou ye. Tire tout rat ki soubou. Rat ki soubou. Ah. ralenti.